C'est la même chose pour la chimie. Toutes ces formules, à quoi ça sert? Je vous le demande. C'est peut-être bon si on veut être distillateur ou pharmacien, ou pour raffiner de l'héroïne. Mais à part ça... Ça peut aussi servir si on veut fabriquer des explosifs. Malheureusement, moi, j'ai toujours eu de mauvaises notes en chimie. J'ai toujours eu horreur de la chimie. Tous ces acides, ça fume, ça sent mauvais. La chimie, c'est la cuisine du diable. C'est la même chose pour la chimie. À quoi ça sert? La chimie, à quoi ça sert? À quoi ça sert? La chimie. C'est peut-être bon si on veut être distillateur ou pharmacien. C'est peut-être bon si on veut être distillateur. C'est peut-être bon si on veut être distillateur. Ou pharmacien. Ou pour raffiner de l'héroïne. Pour raffiner de l'héroïne. Quand est-ce que la chimie est utile, selon Robert? Si on veut être distillateur ou pharmacien, ou pour raffiner de l'héroïne. Ça peut servir aussi si on veut fabriquer des explosifs. Ça peut aussi servir... Si on veut fabriquer des explosifs. Si on veut fabriquer des explosifs. Ça peut aussi servir si on veut fabriquer des explosifs. Et quand est-ce que c'est utile aussi, selon Mireille? Si on veut fabriquer des explosifs. Moi, j'ai toujours eu de mauvaises notes en chimie. J'ai toujours eu de mauvaises notes. J'ai toujours eu de mauvaises notes en chimie. Est-ce que Mireille était bonne en chimie? Non, elle a toujours eu de mauvaises notes. J'ai toujours eu horreur de la chimie. J'ai toujours eu horreur de la chimie. Tous ces acides, ça fume, ça sent mauvais. Ah, ça sent mauvais. Ça fume. Tous ces acides, ça fume, ça sent mauvais. Pourquoi est-ce qu'elle n'aime pas la chimie? Parce que tous ces acides, ça fume, ça sent mauvais. Et toutes les lois de la physique, c'est la même chose. À quoi ça vous sert de connaître la loi de la chute des corps quand vous tombez d'un balcon? Il faut savoir que Robert est tombé d'un balcon à la Nouvelle-Orléans quand il avait 10 ans. Il est resté 3 semaines à l'hôpital. Et le latin? Vous avez fait du latin, n'est-ce pas? Oui, 6 ans. De la 3e jusqu'à la 1ère. Eh bien, est-ce que vous parlez latin? Non, bien sûr. Vous avez fait 6 ans de latin et vous ne parlez pas latin. D'ailleurs, même si vous parliez latin, avec qui est-ce qu'on peut parler latin? Je vous le demande. Même au home latin, en plein quartier latin, on ne parle pas latin. Il faut savoir que Robert est tombé d'un balcon à la Nouvelle-Orléans quand il avait 10 ans. Quand il avait 10 ans, Robert est tombé d'un balcon. Robert est tombé d'un balcon. À la Nouvelle-Orléans. Quand est-ce que Robert est tombé d'un balcon? Quand il avait 10 ans. Vous avez fait du latin, n'est-ce pas? Vous avez fait du latin. Vous avez fait du latin, n'est-ce pas? Oui, 6 ans. Oui, 6 ans. Est-ce que Mireille a fait du latin? Oui, 6 ans.